et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 9e épisode, le trésor d'Espada. 13 mars 1829, à Livourne. On ne vous a pas trompé, mon cher monsieur. Vous êtes chez le meilleur prêteur de la ville, le plus honnête. Je ne demande pas un prêt. Je vends ceci. Des diamants. Ils sont petits. Combien donnez-vous? Je vais être encore trop généreux. Disons 5000 francs chacun. Vendu. Donnez-moi l'argent. Comptez, mon bon seigneur. Inutile. Mais si je m'aperçois que tu m'as trompé, je reviendrai te couper les oreilles. Mars 1829, sur le port de Gênes. Voilà le yacht dont je vous ai parlé, monsieur. Seulement, il m'a été commandé par cet Anglais et je... Il vous en offre combien? 40 000 francs. Je vous en donne 60, à l'instant. 60 000? À la condition que le bâtiment me soit livré aujourd'hui même. Il le sera, monsieur. Mars 1829, à l'île de Monte Cristo. Ah, alors, Jacopo, est-ce que tu me rapportes les renseignements que je t'avais demandés? Oui, monsieur. Mais les nouvelles sont tristes. Parle. Le vieux Dantès est mort. Ah. Ensuite? Celle que vous appelez Mercedes a disparu. Et le catalan? Et Danglars? Disparu, eux aussi. Et le voisin de mon... du père Dantès? Un tailleur nommé Cadrousse? Ah, pour celui-là, je sais. Il a, paraît-il, fait de mauvaises affaires. Et il tient maintenant une petite auberge, sur la route de Bellegarde, à Beaucaire. C'est bien, Jacob. Tiens, prends cette bourse. Non, monsieur. Pourquoi? Laissez-moi vous appeler encore une fois le Maltais. Je serai plus à l'aise pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Mais tu es mon ami, Jacopo. Je t'avais défendu de me donner du monsieur, n'est-il pas vrai? Oui, mais je ne peux pas. Tu es... un autre maintenant, Maltais. Et un autre tout couvert de mystère. Tu te dis matelot. Et à Livourne, tu m'achètes une barque. Et avec deux de nos compagnons, tu me fais mettre le cap sur Marseille pour que j'en revienne avec des nouvelles de certaines personnes. Avoue que tout ça est étrange. Mais je me suis fait marin sur un coup de tête parce que ma famille me refusait l'argent nécessaire à mon entretien. Et en arrivant à Livourne, excellente surprise, j'ai touché la succession d'un oncle qui m'a fait son seul héritier. Voilà toute mon histoire, Jacob. Oui, mais c'est tout de même bizarre, tout ça. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Tu vois ce yacht? Oui. Quelle race? Son propriétaire s'appelle Lord Wilmore. Et désormais, Lord Wilmore, c'est moi. Et son capitaine, c'est toi. Moi? Le capitaine de... Oui. Et annonce à tes deux compagnons qu'ils seront les premiers membres de son équipage. Oui, monsieur! Et prépare-toi à mettre le cap sur Marseille. Avril 1829, entre Beaucaire et Bellegarde, sur le seuil de l'auberge tenue par Caderousse. Et tu ne m'écoutes pas, Caderousse. Je te le dis, tu as tort. Tu regardes obstinément le bout du chemin défoncé assis sur le seuil de ton auberge. Ton auberge. Et tu rumines je ne sais quel sombre projet. C'est la faute de ce maudit canal qu'on vient de creuser si nous avons perdu toutes nos pratiques. Il faut partir d'ici. Rien d'autre à faire. Sinon, nous crèverons de faim. Ah, tais-toi, la carconte. C'est Dieu qui le veut ici. Ne mêle pas le bon Dieu à toutes ces manigances, hein? Dieu, il n'a pas voulu que je me retrouve tout en suquet au milieu de ces arbres maigres. Et moi, je te dis que Dieu me punit. Mais de quoi? Par la Sainte Vierge. Un jour, tu verras. Il nous l'enverra à son ange exterminateur. Et en plus de ça, voilà que je vis avec un fada. Qu'est-ce que je te disais? Regarde qui vient. Un client. Pas possible. Regarde. Un curé. À cheval. L'ange noir. Imbécile. Je rentre. Tu sais ce qu'il faut dire. Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Est-ce que c'est bien ici l'auberge du Pont du Gard? Ah oui, monsieur l'abbé, j'en suis le patron, tout entier à votre service. Ah, bene, bene. Dans ce cas, vous êtes monsieur Caderousse. En effet, Gaspard Caderousse, pour vous servir. Gaspard Caderousse, oui, je crois que... Je crois que c'est là le prénom et le nom, oui. Vous demeuriez autrefois à Marseille, allée de Meillan, n'est-ce pas? Au quatrième. C'est cela? C'est ça, oui, c'est bien. Et vous y exerciez la profession de tailleur? Eh oui, mais l'État a mal tourné, il fait si chaud à ce coquin de Marseille que l'on finira, je crois, par ne plus s'y habiller du tout, hein. Ne voulez-vous pas vous rafraîchir, monsieur l'abbé? Ma si, certo. Oui. Si, si. Faites-moi entrer, monsieur Caderousse, oui. Et apportez-moi votre meilleure bouteille de vin. Ensuite, je vous dirai ce qui m'amène chez vous. Bon. Vous vouliez une bonne bouteille, monsieur l'abbé? J'ai là un excellent cahors, hein. Cela vous convient-il? Parfaitement. Asseyons-nous, voulez-vous? Alors, monsieur Caderousse, dites-moi, vous vivez seul? Mon Dieu, oui, seul. Ou à peu près, car ma femme ne peut m'aider en rien. Attendu qu'elle est toujours malade, hein. La pauvre carconte. Ah, vous êtes marié. Mais comme vous voyez, pas bien riche. Mais que voulez-vous, monsieur l'abbé? Monsieur l'abbé? Busoni. Ah, Busoni. Ah oui. Que voulez-vous, monsieur l'abbé? Il ne suffit pas d'être honnête homme pour prospérer dans ce monde. Et pourquoi me regardez-vous comme ça, monsieur l'abbé? Oui, oui, je suis un honnête homme. De cela, je puis me vanter, hein. Et dans notre époque, tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais ne perdez pas confiance, monsieur Caderousse. Tôt ou tard, l'honnête homme est récompensé et le méchant puni. C'est votre état de dire ça, mais on est libre de ne pas le croire. Oh, vous avez tort de me parler comme ça. Peut-être je vais être moi-même pour vous une preuve de ce que j'avance. Que voulez-vous dire? Mais avant tout, il faut que je m'assure que vous êtes bien celui que je recherche. Quelle preuve voulez-vous que je vous donne? Attendez, attendez. Avez-vous connu, en 1814 ou 1815, un marin qu'on appelait Dantès? Dantès? Si je l'ai bien connu, ce pauvre Edmond. C'était un de mes meilleurs amis. Oui, oui, c'est vrai. Je crois, en effet, il s'appelait Edmond. Mais pourquoi vous rougissez, monsieur Caderousse? Des souvenirs qui me remontent dans la tête. Et qu'est-il devenu, ce pauvre Edmond? L'auriez-vous connu? Vit-il encore? Est-il heureux? Oh, il est mort. Prisonnier. Plus désespéré et plus misérable que les forçats qui traînent les boulets au bagne de Toulon. Pauvre petit. Eh bien, voilà encore une preuve de ce que je vous disais, monsieur l'abbé. Que le bon Dieu n'était bon que pour les mauvais. Mais vous paraissez aimer ce garçon de tout votre cœur. Oui, je l'aimais bien. Quoique j'ai à me reprocher d'avoir un jour envié son bonheur. Et vous l'avez connu? Mais j'ai été appelé à son lit de mort pour lui offrir les derniers secours de la religion. Et de quoi est-il mort? Et de quoi meurt-on en prison quand on y meurt à 30 ans, si ce n'est de la prison elle-même? La misère de nous. Eh si. Mais ce qu'il y a d'étrange dans tout cela, c'est que Dantès, à son lit de mort, sur le Christ dont il baisait les pieds, m'a juré qu'il ignorait la véritable cause de sa captivité. Il ne pouvait pas la savoir. Non. Il ne pouvait pas. Ah, c'est ça. Alors il m'a chargé d'éclaircir son malheur et de réhabiliter sa mémoire, si cette mémoire avait reçu quelques souillures. Un Anglais, riche, son compagnon d'infortune, qui sortit de prison à la seconde restauration, comme vous dites en français, était possesseur d'un diamant de grande valeur. En reconnaissance des soins que Dantès lui avait prodigués au cours d'une maladie, l'Anglais lui laissa cette pierre en sortant de la prison. Au lieu de s'en servir pour séduire ses geôliers, Dantès la conserva précieusement pour le cas où il sortirait de prison, car s'il sortait de prison, sa fortune était assurée par la vente, celle de ses diamants. La valeur en était aussi grande. Mais, insomma, vous savez, tout est relatif, monsieur Caderousse. D'une grande valeur, oui, mais pour Edmond. Mais... ce diamant était estimé à 50 000 francs. 50 000 francs? Si. Mais il était donc gros comme une noix. Non, pas tout à fait, non. Mais vous allez en juger vous-même. Je l'ai sur moi. Tenez, attendez. Voilà, les voici. Et cela vaut 50 000 francs? Si, sans la monture qui est elle-même d'un certain prix. Mais comment vous trouvez-vous avoir ce diamant en votre possession? Edmond vous a donc fait son héritier? Non. Son exécuteur testamentaire. J'avais trois bons amis et un fiancé, m'a-t-il dit. Tous les quatre, j'en suis sûr, me regrettent amèrement. L'un d'eux s'appelait Caderousse. Il a dit ça? Si. L'autre s'appelait Danglars. Le troisième, bien que mon rival m'aimait aussi... Qu'est-ce que vous dites? Laissez-moi finir. Per favore. Mm. Le troisième s'appelait Fernand, m'a-t-il dit encore. Quant à ma fiancée, son nom était... je ne me souviens plus du nom de la fiancée. Mercedes. Oui. Voilà, Mercedes. C'est bien cela. Remplissez-moi le verre. Oui, là. Tout de suite, tenez. Alors, où en étions-nous? La fiancée s'appelait Mercedes. Ah oui, c'est ça, oui. Vous irez à Marseille. C'est toujours Dantès qui parle. Vous vendrez ces diamants, vous ferez 5 parts... et vous les distribuerez entre ses bons amis, les seuls qui m'aient aimé sur la terre. Mais comment 5 parts? Vous n'avez nommé que 4 personnes. Oui, la 5e est morte. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Le père de Dantès. Hélas, oui. Le pauvre homme est mort. 1 an à peine après la disparition de son fils. Et de quoi il est mort? Les médecins ont nommé sa maladie... une gastro-entérite. Ceux qui le connaissaient ont dit qu'il était mort de douleur, mais moi... moi, je dis qu'il est mort. Mort de quoi? De faim. Les chiens ne meurent pas de faim. Un homme, un chrétien, est mort de faim au milieu d'autres hommes qui se disaient chrétiens comme lui. C'est impossible. J'ai dit ce que j'ai dit. Et tu as eu tort. De quoi te mêles-tu, Caderousse? Mais de quoi te mêles-tu, toi-même, femme? Monsieur demande des renseignements. La politesse veut que je les lui donne. Oui. Mais la prudence, elle veut que tu les lui refuses. Qui te dit dans quelle intention on veut te faire parler, imbécile? Oh, dans une excellente intention, madame. Je vous en réponds. Votre mari n'a rien à craindre, pourvu qu'il réponde franchement. Belle promesse que tout ça, oui. Et un beau matin, le malheur y tombe sur le pauvre monde sans qu'on sache d'où il vient. Soyez tranquille, bonne femme. Le malheur ne vous viendra pas de mon côté. On dit ça. Et puis... basta. Ainsi... le père de Dantès fut abandonné de tout le monde. Oh, ce n'était pas que Mercedes et M. Morel l'aient abandonné, mais le vieillard s'était pris d'une antipathie profonde pour Fernand, celui que Dantès vous a dit être un de ses amis. Mais il ne l'était pas. Gaspard, fais attention à ce que tu vas dire. Peut-on être l'ami de celui dont on convoite la femme? Dantès, qui était un cœur d'or... appeler tous ces gens-là ses amis. Pauvre Edmond. Et vous savez ce que Fernand a fait contre Dantès? Gaspard, fais ce que tu veux. Tu es le maître. Mais si tu m'en croyais, tu ne dirais rien. Cette fois, je crois que tu as raison, femme. Et si vous ne voulez rien dire? À quoi bon? Le pauvre Dantès est sous terre. C'est ce que vous m'avez dit. Il ne peut plus avoir de haine, il ne peut plus se venger. Éteignons tout cela. Bene, bene. Vous voulez donc que je donne à ces faux amis une récompense destinée à la fidélité? C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, que serait pour eux maintenant le legs de ce pauvre Edmond? Une goutte d'eau tombant dans la mer. Sans compter que ces gens-là, ils peuvent écraser d'un geste. Ah bon? Ils sont donc devenus riches et puissants. Alors vous ne savez pas leur histoire? Non. Racontez-la-moi. C'est que... en vérité, ça serait trop long. Bien. Libre à vous de vous taire, mon ami, et je respecte vos scrupules. N'en parlons plus. De quoi étais-je chargé? D'une simple formalité, je vendrai donc ce diamant. Femme, regarde. Il vaut 50 000 francs. Le beau joyau. Le cinquième de la somme nous appartient alors. Eh oui, monsieur, oui, le cinquième. Plus la part du père de Dantes, que je me crois autorisé à répartir en quatre. Tu entends ça, femme? Et pourquoi sommes-nous quatre? Eh, parce que vous étiez les quatre amis d'Edmond. Les amis ne sont pas ceux qui trahissent. C'est presque un sacrilège de récompenser la trahison. Le crime, peut-être. Le crime, hein? Bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Et maintenant, donnez-moi l'adresse des autres amis d'Edmond, afin que je puisse exécuter ses dernières volontés. Tu sais, femme, le diamant serait pour nous tout entier. Tu crois? Mais un homme d'église ne pourrait pas nous tromper. Fais comme tu voudras. Quant à moi, je ne m'en mêle pas. Réfléchis bien, Gaspard. Je suis décidé. Moi, je vais me coucher. Buonasera. Alors, je vous écoute, monsieur Caderousse. Attendez. On pourrait nous déranger. Je vais fermer la porte. Eh bien voilà. Tout a commencé le 24 février 1815 à Marseille, à la réserve, l'auberge du père Pamphile. J'étais avec Danglars et Fernand, malade de jalousie. Moi, j'étais sous. Il m'avait fait boire plus que de raison, mais ça ne fait rien. Et je me souviens très bien que c'est Danglars qui a eu l'idée de la lettre. Il a cherché du papier, une plume et de l'encre. Et c'est plus tard que j'ai tout compris. C'est mon remords de la nuit et du jour. Et j'en demande bien souvent pardon à Dieu. S'accuser ainsi, c'est mériter son pardon. Malheureusement, Edmond est mort. Et ne m'a pas pardonné, lui. Il ignorait. Mais il sait à présent. Puisqu'on dit que les morts savent tout. Monsieur Caderousse, dans votre récit, vous avez nommé deux ou trois fois un certain monsieur Morel. Qui était cet homme? Et l'armateur du pharaon, le patron de Dantès. Et quel rôle a-t-il joué dans cette triste affaire? Ah, celui d'un honnête homme, courageux et affectionné, monsieur. 20 fois, il intercéda pour Edmond. La veille où la surveille de la mort du père Dantès, il lui avait laissé sur sa cheminée une bourse avec laquelle on paya les dettes du bonhomme et son enterrement. C'est encore moi qui ai la bourse. Une grande bourse en filet rouge. Est-ce que ce monsieur Morel vit encore? Oui. En ce cas, ce doit être un homme béni de Dieu. Il doit être riche, heureux. Oui. Heureux comme moi. Il touche à la misère. Bien plus au déshonneur. Comment cela? Il s'est ruiné de fond en comble. Il a perdu 5 vaisseaux en 2 ans, essuyé 3 banqueroutes, et n'a plus d'espérance que dans ce même pharaon que commandait Dantès et qui doit revenir des Indes avec un chargement de cochenilles et d'indigo. Et ce navire-là manque comme les autres, il est perdu. A-t-il une femme et des enfants? Oui. Il a une femme qui, dans tout cela, se conduit comme une sainte. Il a une fille qui allait épouser un homme qu'elle aimait et à qui sa famille ne veut plus laisser épouser une fille ruinée. Il a un fils, enfin, lieutenant dans l'armée. Vous le comprenez bien, tout cela double sa douleur au lieu de l'adoucir. S'il était seul, Il se brûlerait la cervelle. C'est affreux. Voilà comment Dieu récompense la vertu, monsieur l'abbé. Un jour, je mourrai de faim, moi aussi. Tandis que Fernand et Danglars roulent sur l'or. Et qu'est donc devenu Danglars, le plus coupable à vous entendre? Danglars, tout lui a réussi. Il est banquier. Il a épousé une veuve, madame de Nargonne. Fille de monsieur de Sérieux, chambellan du roi actuel. Grâce à quoi on l'a fait baron. Il a un hôtel, rue du Mont-Blanc, 10 chevaux dans ses écuries, 6 laquais dans son antichambre, et je ne sais combien de millions dans ses caisses. Et il est heureux? Heureux? Ah, monsieur l'abbé, vous le savez bien. Le malheur ou le bonheur, c'est le secret des murailles. Et Fernand? Il s'appelle aujourd'hui le comte de Morcerf. Destiné. Pendant les 100 jours, il fut rappelé sous les drapeaux. En 1823, il était capitaine quand la guerre d'Espagne fut finie. Il alla servir en Grèce. Quelque temps après, on apprit qu'il était entré au service d'Ali Pacha avec le grade de général instructeur. Et comme vous le savez, Ali Pacha fut tué. Mais avant de mourir, il récompensa les services de Fernand en lui laissant une somme considérable avec laquelle Fernand revint en France, où son grade de lieutenant général lui fut confirmé. De sorte qu'aujourd'hui, il possède un hôtel magnifique à Paris, au numéro 27 de la rue du Helder. Et Mercedes? On m'a assuré qu'elle avait disparu. Disparu? Oui. Comme disparaît le soleil, pour se lever le lendemain plus éclatant. A-t-elle donc fait fortune, elle aussi? Elle est à cette heure l'une des plus grandes dames de Paris. Il me semble que j'écoute les récits d'un rêve. Mais j'ai vu moi-même des choses si extraordinaires que celles que vous me dites ne m'étonnent guère. Mercedes se nomme aujourd'hui la comtesse de Morcerf. Oui, elle a épousé Fernand, celui qu'elle considérait comme son frère. Frailty, thy name is woman. Le mariage s'est fait dans la même église où elle aurait dû épouser ce pauvre Edmond. Elle manqua de s'évanouir en passant devant l'auberge où 18 mois auparavant avaient été célébrées ses fiançailles avec celui qu'au fond de son cœur, je crois, elle aimait encore. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupréier et Serge Martel. Aujourd'hui, 9e épisode, Le Trésor d'Espade. Avec Edmond Dantès, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Cadrousse, Armand Meffre. La Carconte, Anne-Marie Coffinet. Le Juif, Pierre Riche. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 octobre 1980. À suivre demain à la même heure. Et vous pouvez télécharger cet épisode ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.